Chapitre 17e, Pic Vinaigre. Le détenu qui se trouvait à côté de Barbillon était un homme de 45 ans environ, grêle, chétif, et d'une physionomie fine, intelligente, joviale et railleuse. Il avait une bouche énorme, presque entièrement édentée. Dès qu'il parlait, il la contournait de droite à gauche, selon l'habitude assez générale des gens accoutumés à s'adresser à la populace des carrefours. Son nez était camard, sa tête démesurément grosse, presque complètement chauve. Il portait un vieux gilet de tricot gris, un pantalon d'une couleur inappréciable, lacéré, rapiécé en mille endroits. Ses pieds nus, rougis par le froid, à demi enveloppés de vieux linge, étaient chaussés de sabots. Cet homme, nommé Fortuné Gobert, dit Pic Vinaigre, ancien joueur de gobelet, réclusionnaire libéré d'une condamnation pour crime d'émission de fausse monnaie, était prévenu de rupture de banc et de vol commis la nuit avec effraction et escalade. Écroué depuis très peu de jours à la force, déjà Pic Vinaigre remplissait, à la satisfaction générale de ses compagnons de prison, le métier de compteur. Aujourd'hui, les compteurs sont très rares. Mais autrefois, chaque chambrée avait généralement, moyennant une légère contribution individuelle, son compteur d'office qui, par ses improvisations, faisait paraître moins longues les interminables soirées d'hiver, les détenus se couchant à la tombée du jour. S'il est assez curieux de signaler ce besoin de fiction, de récits émouvants qui se retrouvent chez ces misérables, il est une chose bien plus considérable aux yeux des penseurs. Ces gens corrompus jusqu'à la moelle, ces voleurs, ces meurtriers, préfèrent surtout les histoires où sont exprimés des sentiments généreux, héroïques, les récits où la faiblesse et la bonté sont vengées d'une oppression farouche. Il en est de même des filles perdues. Elles affectionnent singulièrement la lecture des romans naïfs, touchants et élégiaques, et répugnent presque toujours aux lectures obscènes. L'instinct naturel du bien, joint au besoin d'échapper par la pensée à tout ce qui leur rappelle la dégradation où elles vivent, ne cause-t-il pas chez ces malheureuses les sympathies et les répulsions intellectuelles dont nous venons de parler? Pic Vinaigre excellait donc dans ce genre de récit héroïque où la faiblesse, après mille traverses, finit par triompher de son persécuteur. Pic Vinaigre possédait en outre un grand fond d'ironie qui lui avait valu son sobriquet, ses réparties étant souvent sardoniques ou plaisantes. Il venait d'entrer au parloir. En face de lui, de l'autre côté de la grille, on voyait une femme de 35 ans environ, d'une figure pâle, douce et intéressante, pauvrement mais proprement vêtue. Elle pleurait amèrement et tenait son mouchoir sur ses yeux. Pic Vinaigre la regardait avec un mélange d'impatience et d'affection. « Voyons donc, Jeanne, lui dit-il, ne fais pas l'enfant. Voilà 16 ans que nous ne nous sommes vus. Si tu gardes toujours ton mouchoir sur tes yeux, ce n'est pas le moyen de nous reconnaître. Mon frère, mon pauvre fortuné, j'étouffe, je ne peux pas parler. Es-tu drôle, va? Mais qu'est-ce que tu as ?» Sa sœur, car cette femme était sa sœur, contint ses sanglots, essuya ses yeux, et le regardant avec stupeur, reprit « Ce que j'ai ? Comment, je te retrouve en prison, toi qui es déjà resté 15 ans ?» « C'est vrai. Il y a aujourd'hui 6 mois que je suis sorti de la centrale de Melun, sans t'aller voir à Paris parce que la capitale m'était défendue. »« Déjà repris. Qu'est-ce que tu as donc encore fait, mon Dieu? Pourquoi as-tu quitté Beaugency où on t'avait envoyé en surveillance? Pourquoi ? Faudrait me demander pourquoi j'y suis allé. Tu as raison. D'abord, ma pauvre Jeanne, puisque ces grilles sont entre nous deux, figure-toi que je t'ai embrassé, serré dans mes bras, comme ça se doit quand on revoit sa sœur après une éternité. » Maintenant, causons. Un détenu de Melun, qu'on appelait le gros boiteux, m'avait dit qu'il y avait à Beaugency un ancien forçat de sa connaissance qui employait des libérés à une fabrique de blanc de céruse. Sais-tu ce que c'est que fabriquer le blanc de céruse? Non, mon frère. C'est un bien joli métier. Ceux qu'ils font, au bout d'un mois ou deux, attrapent la colique de plomb. Sur 3 coliqués, il y en a un qui crève. Par exemple, faute juste, les 2 autres crèvent aussi. Mais à leur aise, ils prennent leur temps. Se goberge. Et dure environ 1 an, 18 mois tout au plus. Après ça, le métier n'est pas si mal payé qu'un autre, et il y a des gens nés coiffés qui résistent 2 ou 3 ans. Mais ceux-là sont les anciens, les centenaires des blancs de Cérusiens. On en meurt, c'est vrai, mais il n'est pas fatigant. Et pourquoi tu choisis un état si dangereux qu'on en meurt, mon pauvre fortuné? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Quand je suis entré à Melun pour cette affaire de fausse monnaie, j'étais joueur de gobelet. Comme à la prison il n'y avait pas d'atelier pour mon état, et que je ne suis pas plus fort qu'une puce, on m'a mis à la fabrication des jouets d'enfants. C'était un fabricant de Paris qui trouvait plus avantageux de faire confectionner par les détenus ses pantins, ses trompettes de bois et ses sabres idem. Aussi, c'est le cas de dire « sabre en bois », en ai-je affilé, percé et taillé pendant 15 ans de ses jouets. Je suis sûr que j'en ai défrayé les moutards de tout un quartier de Paris. C'était surtout aux trompettes que je mordais. Et les crécelles, donc. Avec deux de ces instruments-là, on aurait fait grincer les dents à tout un bataillon, je m'en vante. Mon temps de prison fini, me voilà surtout passé maître en fait de trompette à 2 sous. On me donne à choisir pour le lieu de ma résidence entre 3 ou 4 bourgs à 40 lieues de Paris. J'avais pour toute ressource mon savoir-faire en jouets d'enfant. Or, en admettant que, depuis les vieillards jusqu'aux marmots, tous les habitants du bourg auraient eu la passion de faire turlututu dans mes trompettes, j'aurais eu encore bien de la peine à faire mes frais. Mais je ne pouvais insinuer à toute une bourgade de trompeter du matin au soir. On m'aurait pris pour un intrigant. Mon Dieu, tu ris toujours. Cela vaut mieux que de pleurer. Finalement, voyant qu'à 40 lieues de Paris, mon métier d'escamoteur ne me serait pas plus de ressources que mes trompettes, j'ai demandé la surveillance à Beaugency, voulant m'engager dans les blancs de Sérusien. C'est une pâtisserie qui vous donne les indigestions de miserere, mais jusqu'à ce qu'on en crève, on en vit. C'est toujours ça de gagner. Et j'aimais autant cet état-là que celui de voleur. Pour voler, je ne suis pas assez brave ni assez fort. Et c'est par pur hasard que j'ai commis la chose dont je te parlerai tout à l'heure. Tu aurais été brave et fort que par idée tu n'aurais pas volé davantage. Ah, tu crois cela, toi? Oui, au fond, tu n'es pas méchant. Car dans cette malheureuse affaire de fausse monnaie, tu as été entraîné malgré toi, presque forcé, tu le sais bien. Oui, ma fille. Mais vois-tu, 15 ans dans une maison centrale, ça vous culotte un homme comme mon brûle-gueule que voilà. Quand même, il serait entré à la geôle blanc comme une pipe neuve. En sortant de Melun, je me sentais donc trop poltron pour voler. Et tu avais le courage de prendre un métier mortel? Tiens, fortuné, je te dis que tu veux te faire plus mauvais que tu ne l'es. Attends donc. Tout gringalet que j'étais, j'avais dans l'idée, que le diable m'emporte si je sais pourquoi, que je ferais la nique à la colique de plomb, que la maladie aurait trop peu à ronger sur moi et qu'elle irait ailleurs. Enfin, que je deviendrais un des vieux blancs de Sérusien. En sortant de prison, je commence par fricasser ma masse, bien entendu, augmentée de ce que j'avais gagné en contant des histoires le soir à la chambrée. Comme tu nous en contais autrefois, mon frère. S'amusait tant notre pauvre mère, t'en souviens-tu? Pardieu, bonne femme. Et elle ne s'est jamais doutée avant de mourir que j'étais à Melun? Jamais. Jusqu'à son dernier moment, elle a cru que tu t'es passé aux îles. Que veux-tu, ma fille? Mes bêtises, c'est la faute de mon père, qui m'avait dressé pour être paillasse, pour l'assister dans ses tours de gobelet, manger de l'étoupe et cracher du feu. Ce qui faisait que je n'avais pas le temps de frayer avec des fils de pairs de France, et j'ai fait de mauvaises connaissances. Mais pour revenir à Beaugency, une fois sorti de Melun, je fricasse ma masse comme de juste. Après 15 ans de cage, il faut bien prendre un peu l'air et égayer son existence, d'autant plus que sans être trop gourmand, le blanc de Sérus pouvait me donner une dernière indigestion. Alors à quoi m'aurait servi mon argent de prison? Je te le demande. Finalement, j'arrive à Beaugency à peu près sans le sou. Je demande Velu, l'ami de Gros Boiteux, le chef de fabrique. Serviteur, pas plus de fabrique de blanc de Sérus que dessus la main. Il était mort 11 personnes dans l'année. L'ancien forçat avait fermé boutique. Me voilà au milieu de ce bourg, toujours avec mon talent pour les trompettes de bois pour tout potage, et ma cartouche de libéré pour toute recommandation. Je demande à m'employer selon ma force, et comme je n'avais pas de force, tu comprends comment on me reçoit. Voleur par-ci, gueux par-là, échappé de prison. Enfin, dès que je paraissais quelque part, chacun mettait ses mains sur ses poches. Je ne pouvais donc pas m'empêcher de crever de faim dans un trou pareil, que je ne devais pas quitter pendant 5 ans. Voyant ça, je romps mon banc pour venir à Paris utiliser mes talents. Comme je n'avais pas de quoi venir en carrosse à 4 chevaux, je suis venu en gueusant et en mendiant tout le long de la route, évitant les gendarmes comme un chien à l'écoute de bâton. J'avais eu du bonheur, j'étais arrivé sans encombre jusqu'auprès d'Auteuil. J'étais harassé, j'avais une faim d'enfer. J'étais vêtu, comme tu vois, sans luxe. Et Pique-Vinaigre jeta un coup d'œil goguenard sur ses haillons. Je ne portais pas un sou sur moi. Je pouvais être arrêté comme vagabond. Ma foi, une occasion s'est présentée, le diable m'a tenté, et malgré ma poltronnerie, « Assez, mon frère, assez !» dit sa sœur, craignant que le gardien, quoiqu'à ce moment assez éloigné de Pique-Vinaigre, n'entendît ce dangereux aveu. « Tu as peur qu'on écoute ?» reprit-il. « Sois tranquille, je ne m'en cache pas. J'étais pris sur le fait, il n'y avait pas moyen de nier. J'ai tout avoué, Je sais ce qui m'attend, mon compte est bon. » « mon Dieu !» reprit la pauvre femme en pleurant. « Avec quel sang-froid tu parles de cela ? Quand j'en parlerai avec un sang chaud, qu'est-ce que j'y gagnerai ? Voyons, sois donc raisonnable, Jeanne. Faut-il que ce soit moi qui te console ?» Jeanne essuya ses larmes et soupira. « Pour en revenir à mon affaire, reprit Pique-Vinaigre, j'étais arrivé tout près d'Auteuil à la Brune. Je n'en pouvais plus. Je ne voulais entrer dans Paris qu'à la nuit. Je m'étais assis derrière une haie pour me reposer et réfléchir à mon plan de campagne. À force de réfléchir, j'ai fini par m'endormir. Un bruit de voix m'a réveillé. Il faisait tout à fait nuit. J'écoute. C'était un homme et une femme qui causaient sur la route, de l'autre côté de ma haie. L'homme disait à la femme, « Qui veux-tu qui pense à venir nous voler ? Est-ce que nous n'avons pas 100 fois laissé la maison toute seule ?»« Oui, » que reprend la femme, « mais nous n'y avions pas 100 francs dans notre commode. » « Qu'est-ce qu'il sait, bête ?» dit le mari. « Tu as raison, » reprend la femme, et il file. « Ma foi, l'occasion me paraît trop belle pour la manquer. Il n'y avait aucun danger. » J'attends que l'homme et la femme soient un peu loin pour sortir de derrière ma haie. Je regarde à 20 pas de là. Je vois une petite maison de paysan. Ça devait être la maison aux 100 francs. Il n'y avait que cette bicoque sur la route. Auteuil était à 500 pas de là. Je me dis, « Courage, mon vieux, il n'y a personne, il fait nuit. » S'il n'y a pas de chien de garde, tu sais que j'ai toujours eu peur des chiens. L'affaire est faite. Par bonheur, il n'y avait pas de chien. Pour être plus sûr, je cogne à la porte. Rien. Ça m'encourage. Les volets du rez-de-chaussée étaient fermés. Je passe mon bâton entre deux. Je les force. J'entre par la fenêtre dans une chambre. Il restait un peu de feu dans la cheminée. Ça m'éclaire. Je vois une commode dont la clé était ôtée. Je prends la pincette. Je force les tiroirs. Et sous un tas de linge, je trouve le magot enveloppé dans un vieux bas de laine. Je ne m'amuse pas à prendre autre chose, je saute par la fenêtre et je tombe. Devine-nous, voilà ma chance. Mon Dieu, dis donc, sur le dos du garde champêtre qui rentrait au village. Quel malheur! La lune s'est élevée, il me voit sortir par la fenêtre, il m'empoigne. C'était un camarade qui en aurait mangé 10 comme moi. Trop poltron pour résister, je me résigne. Je tenais encore le bas à la main. Il entend sonner l'argent, il prend le tout, le met dans sa gypsière et me force de le suivre à Auteuil. Nous arrivons chez le maire avec accompagnement de gamins et de gendarmes. On va attendre les propriétaires chez eux. À leur retour, ils font leur déclaration. Il n'y avait pas moyen de le nier. J'avoue tout, je signe le procès-verbal, on me met les menottes et en route. Et te voilà en prison encore, pour longtemps peut-être. Écoute, John, je ne veux pas te tromper, ma fille. « Autant te dire cela tout de suite. »« Quoi donc encore, mon Dieu ?»« Voyons, du courage. »« Mais parle donc. »« Eh bien, il ne s'agit plus de prison. »« Comment cela ?»« À cause de la récidive, de l'effraction et de l'escalade de nuit dans une maison habitée, l'avocat me l'a dit, c'est à compte fait comme des petits pâtés. »« J'en aurai pour 15 ou 20 ans de bagne et l'exposition par-dessus le marché. »« Aux galères ? Mais toi, si faible, tu y mourras !» s'écria la malheureuse femme en éclatant en sanglots. Et si je m'étais enrôlé dans les blancs de Sérusiens ? Mais les galères, mon Dieu, les galères ! C'est la prison grand air, avec une casaque rouge au lieu d'une brune. Et puis j'ai toujours été curieux de voir la mer. Quel badaud de Parisien je fais, hein ? Mais l'exposition, malheureux, être là, exposé au mépris de tout le monde. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Mon pauvre frère ! Et l'infortuné se reprit à pleurer. Voyons, voyons, Jeanne, sois donc raisonnable. C'est un mauvais quart d'heure à passer. Et encore, je crois qu'on est assis. Et puis, est-ce que je ne suis pas habitué à voir la foule ? Quand je faisais mes tours de gobelet, j'avais toujours un tas de monde autour de moi. Je me figurerais que j'escamote. Et si ça me fait trop d'effet, je fermerai les yeux. Ce sera absolument comme si on ne me voyait pas. En parlant avec autant de cynisme, ce malheureux voulait faire moins acte d'une criminelle insensibilité que consoler et rassurer sa sœur par cette apparence d'indifférence. Pour un homme habitué aux mœurs des prisons, chez lequel toute honte est nécessairement morte, le bagne n'est en effet qu'un changement de condition, un changement de casaque, comme Pique-Vinaigre le disait avec une effrayante vérité. Beaucoup de détenus des prisons centrales, préférant même le bagne, à cause de la vie bruyante qu'on y mène, commettent souvent des tentatives de meurtre pour être envoyés à Brest ou à Toulon. Cela se conçoit. Avant d'entrer au bagne, ils avaient presque autant de labeur, selon leur profession. La condition des plus honnêtes ouvriers des ports n'est pas moins rude que celle des forçats. Ils entrent aux ateliers et en sortent aux mêmes heures, Enfin, les grabats où ils reposent leurs membres brisés de fatigue ne sont souvent pas meilleurs que ceux de la chiourme. Ils sont libres, dira-t-on ? Oui, libres un jour, le dimanche. Et ce jour est aussi un jour de repos pour les forçats. Mais ils n'ont pas la honte, la flétrissure. Et qu'est-ce que la honte et la flétrissure pour ces misérables qui chaque jour se bronzent l'âme dans cette fournaise infernale, qui prennent tous les grades d'infamie dans cette école mutuelle de perdition où les plus criminels sont les plus considérés. Telles sont donc les conséquences du système de pénalité actuel. L'incarcération est très recherchée, le bagne souvent demandé. 20 ans de galère, mon Dieu, répéta la pauvre sœur de Pique-Vinaigre. Mais rassure-toi donc, Jeanne, on ne me donnera que pour mon argent. Je suis trop faible pour qu'on me mette aux travaux de force. S'il n'y a pas de fabrique de trompettes et de sabres de bois comme à Melun, on me mettra au travail doux, on m'emploiera à l'infirmerie. Je ne suis pas récalcitrant, je suis bon enfant, je conterai des histoires comme j'en conte ici. Je me ferai adorer de mes chefs, estimer de mes camarades, et je t'enverrai des noix de coco gravées et des boîtes de paille pour mes neveux et pour mes nièces. Enfin, le vin est tiré, il faut le boire. Si tu m'avais seulement écrit que tu venais à Paris, j'aurais tâché de te cacher et de t'héberger en attendant que tu aies trouvé de l'ouvrage. Par Dieu, je comptais bien aller chez toi, mais j'aimais mieux y arriver les mains pleines. Car d'ailleurs, à ta mise, je vois que tu ne roules pas non plus carrosse. Ah ça, et tes enfants et ton mari ? Ne me parle pas de lui. Toujours bambocheur, c'est dommage, bon ouvrier tout de même. Il me fait bien du mal, va. J'avais assez de mes autres peines sans avoir encore celle que tu me fais. Comment, ton mari ? Depuis 3 ans, il m'a quitté. Après avoir vendu tout notre ménage, me laissant avec mes enfants sans rien, avec ma paillasse pour tout mobilier. Tu ne m'avais pas dit cela ? À quoi bon, ça t'aurait chagriné ? Pauvre Jeanne, et comment tu fais toute seule avec tes 3 enfants ? Dame, j'ai eu beaucoup de mal. Je travaillais à ma tâche comme frangeuse, tant que je pouvais. Les voisines m'aidaient un peu, gardaient mes enfants pendant que j'étais sortie. Et puis moi, qui n'ai pas toujours la chance, j'ai eu du bonheur une fois dans ma vie, mais ça ne m'a pas profité à cause de mon mari. Pourquoi donc cela ? Mon passementier avait parlé de ma peine à une de ses pratiques, lui apprenant comment mon mari m'avait laissé sans rien, après avoir vendu notre ménage, et que malgré ça je travaillais de toutes mes forces pour élever mes enfants. Un jour, en rentrant, qu'est-ce que je trouve ? Mon ménage remontait à neuf, un bon lit, des meubles, du linge. C'était une charité de la pratique de mon passementier. Brave pratique, pauvre sœur. Pourquoi diable aussi ne m'as-tu pas écrit pour m'apprendre ta gêne ? Au lieu de dépenser ma masse, je t'aurais envoyé de l'argent. Moi, libre, te demander, à toi, prisonnier ? Justement, j'étais nourri, chauffé, logé aux frais du gouvernement. Ce que je gagnais était tout bénéfice. Sachant le beau-frère bon ouvrier et toi, bonne ouvrière et ménagère, j'étais tranquille. Et j'ai fricassé ma masse, les yeux fermés, la bouche ouverte. Mon mari était bon ouvrier, c'est vrai, mais il s'est dérangé. Enfin, grâce à ce secours inattendu, j'ai repris bon courage. Ma fille aînée commençait à gagner quelque chose. Nous étions heureux, sans le chagrin de te savoir à Melun. L'ouvrage allait, mes enfants étaient proprement habillés, il ne manquait à peu près de rien. Ça me donnait un cœur, un cœur. Enfin, j'étais presque parvenu à mettre 35 francs de côté. Lorsque tout à coup mon mari revient, je ne l'avais pas vu depuis 1 an. Me trouvant bien emménagé, bien nippé, il n'en a fait ni une ni deux, il me prend mon argent, s'installe chez nous sans travailler, se grise tous les jours et me bat quand je me plains. Le gueux ! Ce n'est pas tout. Il avait logé dans un cabinet de notre logement une mauvaise femme avec laquelle il vivait. Il fallait encore souffrir cela pour la seconde fois. Il recommença à vendre petit à petit les meubles que j'avais. Prévoyant ce qui allait m'arriver, je vais chez un avocat qui demeurait dans la maison lui demander ce qu'il faut faire pour empêcher mon mari de me mettre encore sur la paille, moi et mes enfants. C'était bien simple, il fallait fourrer ton mari à la porte. Oui, mais je n'en avais pas le droit. L'avocat me dit que mon mari pouvait disposer de tout comme chef de la communauté et s'installer à la maison sans rien faire, que c'était un malheur, mais qu'il fallait m'y soumettre, que la circonstance de sa maîtresse, qui vivait sous notre toit, me donnait le droit de demander la séparation de corps et de biens, comme on appelle cela. D'autant plus que j'avais des témoins que mon mari m'avait battu, que je pouvais plaider contre lui, mais que cela me coûterait au moins 400 ou 500 francs pour obtenir ma séparation. Tu juges ? C'est presque tout ce que je peux gagner en une année. Où trouver une pareille somme à emprunter ? Puis ce n'est pas le tout d'emprunter, il faut rendre, et 500 francs, tout d'un coup, c'est une fortune. Il y a pourtant un moyen bien simple d'amasser 500 francs. dit Pique-Vinaigre avec amertume, c'est de mettre son estomac au croc pendant un an, de vivre de l'air du temps et de travailler tout de même. C'est étonnant que l'avocat ne t'ait pas donné ce conseil-là. Tu plaisantes toujours. Oh, cette fois non, s'écria Pique-Vinaigre avec indignation. Car enfin, c'est une infamie, ça. Que la loi soit trop chère pour les pauvres gens. Car te voilà, toi, brave et digne mère de famille, travaillant de toutes tes forces pour élever honnêtement tes enfants. Ton mari est un mauvais sujet fiefé, il te bat, te gruge, te pille, dépense au cabaret l'argent que tu gagnes. Tu t'adresses à la justice pour qu'elle te protège et que tu puisses mettre à l'abri des griffes de ce fainéant ton pain et celui de tes enfants. Les gens de loi te disent « Oui, vous avez raison, votre mari est un mauvais drôle, on vous fera justice. Mais cette justice-là vous coûtera 500 francs. » 500 francs, ce qu'il te faut pour vivre, toi et ta famille, pendant presque un an. Tiens, vois-tu, Jeanne, tout ça prouve, comme dit le proverbe, qu'il n'y a que deux espèces de gens, ceux qui sont pendus et ceux qui méritent de l'être. Rigolette, seule et pensive, n'ayant aucun interlocuteur à écouter, n'avait pas perdu un mot des confidences de cette pauvre femme, au malheur de laquelle elle sympathisait vivement. Elle se promit de raconter cette infortune à Rodolphe dès qu'elle le reverrait, ne doutant pas qu'il ne la secourût. Ainsi s'achève le tome 7e des Mystères de Paris d'Eugène Sue.